Chapitre 12e, 12 et 2 font 14. Ah, ces routes d'Italie! Quel charme de les parcourir par un soleil de fin septembre, entre des coteaux vêtus de pampres dorés, sous un ciel doucement bleu, tendre comme un sourire de femme aimée. Les hauts châtaigniers versaient leur bienfaisant ombrage, et l'on s'y arrêtait parfois pour respirer un peu de fraîcheur aux heures chaudes. On allait, vers le but, vers Rome. À la sortie d'un village tapi sous les terrasses fleuries de ses maisons, Gévry, qui marchait en tête avec la marraine, lui montra, à demi-portée d'arquebuse, sous un arbre, un homme en costume sombre assis sur une grosse pierre et qui semblait lire, autant qu'on en pouvait juger, car il tournait le dos. À côté de l'homme, un autre, étendu dans l'herbe, tenait longues les rênes de chevaux broutillant les branches d'un buisson. « Il me semble, dit Roselin, que voici un dos que je connais. » Diantre, mon ami, tu es bien physionomiste. » Ils dépassèrent l'homme, qui lisait en effet. Le lecteur tourna la tête vers eux. « Monsieur d'Aubigné !» s'écrièrent à la fois la varenne et Belcoeur au comble de la surprise. Agrippa, car c'était bien lui, se leva et vint à leur rencontre. « Du diable, si je m'attendais à vous rencontrer ici !» fit le capitaine avec un enthousiasme mitigé. « Je n'en dirai pas de même, » répondit le survenant en serrant la main des deux amis. « Car j'avais espoir de vous rejoindre prochainement, messieurs les envoyés du roi. »« Nous rejoindre ? Vous nous cherchiez donc ?» demanda Gévry avec surprise. « Je vous cherchais. »« Ah, rien de grave là-bas, je pense. »« Non, tout va aussi bien que lors de votre départ. » D'Aubigné, fermant son livre, une bible de poche, était remonté en selle pour chevaucher à côté du capitaine et du chevalier. Il ne doutait pas que cette présence cachait une cause sérieuse. Le baron Agrippa d'Aubigné était, il le savait, l'intime ami de Henri de Navarre. Une amitié commencée dès l'enfance et resserrée par une vie menée en commun à travers les périls, les plaisirs et les ennuis. Quelle mystérieuse raison amenait ici le confident royal? Tout en allant, on causait, avec une certaine contrainte. D'Aubigné conta son voyage. Il avait quitté Paris 3 jours après le départ des ambassadeurs. Belcoeur demanda « Mais enfin, monsieur d'Aubigné, quel est le hasard heureux qui vous rapproche de nous ?»« Ce n'est pas un hasard, monsieur, c'est la volonté du roi. »« Dans quel but ?» insista la varenne, après un instant de froid silence. « fit Agrippa avec gêne. « Il a pensé, il a cru. »« Enfin, après réflexion, sa majesté m'a ordonné de vous rejoindre pour vous aider de ma présence et de mes conseils. » Belcoeur demeura un moment pensif. « Je comprends, » dit-il enfin sans aménité. Le roi jugeait que M. de la Varenne et moi n'étions pas très capables de mener à bien la mission qu'il nous avait confiée et il a préféré vous en donner la direction. « Mais pas du tout !» s'exclama Agrippa. « Vous restez, mon cher Gévry, le chef de l'ambassade royale. Je vous suis simplement adjoint pour... Enfin... Décidément, c'était difficile à dire. » Guillaume sourit, il avait deviné. « Mon cher Roselin, » prononça-t-il, « tout ceci est fort simple, et M. d'Aubigné a tort d'hésiter à le servir tout crûment. » Le roi, après réflexion, s'est dit que nous étions des têtes folles, des risques tout. Il a craint que notre jeunesse, notre inexpérience et notre esprit d'aventure ne nous entraînent dans des affaires fâcheuses. Voilà pourquoi il a songé à nous envoyer M. d'Aubigné, dont l'intelligence froide et méthodique, la fermeté, la sagesse et la prudence sont fort connues et ne peuvent que tempérer notre légèreté. « Ah oui, pardieu, c'est cela !» s'écria d'Aubigné, ravi. « Je dois vous avouer aussi que je n'ai guère résisté au plaisir d'aller faire un acte désagréable au pape. » Et le huguenot sincère et intransigeant, qu'était le baron d'Aubigné, éclata de rire pour la première fois depuis la rencontre. L'incident était clos. Belcoeur et la varenne se sentaient même heureux. De la présence d'un homme tel qu'Agrippa, esprit profond et réfléchi, hardi compagnon aussi, vaillant épée, cœur généreux, en dépit d'habitudes austères. Ils achevèrent la journée en une causerie amicale et la nuit se passa paisiblement. Au matin, ils se remettaient en route. La Guibole et Francastor étaient, pour ainsi dire, complètement rétablis. Les trois gentilshommes prirent le chemin de Montefulciano sans trop de hâte, car l'étape était assez courte. Sulpice et Babylas causaient intarissablement. Derrière leur maître, avec Scipion, le valet de d'Aubigné, qui les écoutait gravement. Cet homme, comme son maître, était protestant, menait une vie sévère et pieuse. Il avait la mine d'un sacristain plus que d'un écuyer, parlait peu, ne buvait point et restait froid aux séductions féminines. Les routes parcourues par la petite troupe étaient presque désertes. On rencontrait seulement, parfois, des paysans se rendant aux champs, des pêcheurs revenant de la mer, l'équipage d'un gentilhomme qui allait vers quelque château, ou un groupe de bourgeois se dirigeant vers un bourg pour leur commerce. Montefulciano, Grosseto, Orbetello furent ainsi successivement atteints en 3 jours. Le soir du 4e, assez tard, les Français entrèrent à Civitavecchia, la dernière halte avant Rome.